Troisième partie, chapitre 5, deuxième section, les conseils évangéliques. Qu'est-ce que les conseils évangéliques? Les conseils évangéliques sont certains moyens suggérés par Jésus-Christ dans le Saint-Évangile pour atteindre la perfection chrétienne. Quels sont les conseils évangéliques? Les conseils évangéliques sont la pauvreté volontaire, la chasteté perpétuelle et l'obéissance en tout ce qui n'est pas péché. À quoi servent les conseils évangéliques? Les conseils évangéliques servent à faciliter l'observation des commandements et à mieux assurer le salut éternel. Pourquoi les conseils évangéliques facilitent-ils l'observation des commandements? Les conseils évangéliques facilitent l'observation des commandements parce qu'ils aident à détacher le cœur de l'amour des richesses, des plaisirs et des honneurs, et qu'ainsi ils éloignent du péché.